homme et toi, c'est le grand amour. Il y a des signes qui ne te trompent pas. Son grand devoir, bruit de velours, te fait fondre à chaque fois. T'appelles chaque jour de sa voiture.